des gens ne réforment pas des armées et ne choisissent pas des chefs militaires au prix du mérite, vous pouvez encore avoir une administration où vous vous basez sur ce qu'on appelle la corruption, le clientélisme. Mais dans l'armée, quand vous le faites, quand vos hommes, les choix, les carrières militaires ne sont pas au mérite, vous n'aurez plus d'armée. À un moment donné, cette armée-là va vous chasser. Voilà le problème de ce qu'on appelait les armées francophones. Et que va faire la France? Avec ses bases militaires, vos chefs militaires vont se recycler dans ces bases militaires. Au Gabon, par exemple, la hiérarchie militaire se recycle la base militaire. En Côte d'Ivoire, la hiérarchie militaire se recycle où? Dans le truc de Port-Boué. Ils ont une histoire à Port-Boué. Afrique Média, le monde, c'est nous.